C'est peut-être mon amour du risque qui a fait de moi ce mec depuis le lycée. Tel un anglais en France qui conduit, j'ai perdu le sens des priorités pour arriver à faire ce que je veux faire. Mais tout ce que je veux c'est pas me fatiguer, la vérité n'est pas maquillée. Du coup c'est sûr que je vais pas la niquer, wesh. J'suis grave à mon tel, pas besoin de que je veux pas être un modèle. Dans nos têtes on est ultra moderne, un cerveau fait de pâte à modeler. S'il faut faire un footing, je préfère rester assis pour être Camille Motep. On veut vivre à l'hôtel, on veut taffer sa mère, on préfère ses potés. J'pars vite en besogne, j'ai vidé mes comptes, je me suis barré au States. Plus rien dans les poches, j'avais pas pris en compte que le chemin n'est pas aléatoire. J'ai fait tout le boulot, je me sens pris pour un con, Julien Le Père. Accès dans les loges, elle est montée de speed, puis c'est foutu à poil. Je dois finir l'album, mais à chaque fois, je le remets au jour d'après. Jour d'après, jour d'après. Faut que je paye le loyer, je le remets au jour d'après. Jour d'après, jour d'après. Payer mes impôts, ça je le ferai une main. Arrêtez de fumer, ça je le ferai une main. Finir mon morceau, ça je le ferai une main. Je le ferai jamais si je le fais une main. M'appelle pas, je suis en batterie faible. J'ai rendez-vous à Porte d'Ivry. Sur le périph', j'enfile mes lunettes. Étant donné les flashs qui brillent, je rappellerai le producteur qui veut me signer demain. J'ai déjà mon label, merci pour le café. Je me suis bâti tout seul comme les Romains. Quand tu jouais à la paix, j'usais ma caméra. On m'a dit de faire l'amour, pas la guerre, je me bagarre dans un club échangé. La vie est une pute, je la peigne, c'est la paix en centime. Roméo fait la cour à la fête, je laisse te mettre une fois par les games. L'amour s'en verra demain, pour l'instant j'aime que mon équipe. Pourquoi je me prendrais la tête, que je le fasse une autre c'est la même. Si autour de moi c'est la merde, j'essaie de contourner la verve. Le patron m'appelle et c'est dead, il me dit que ce week-end je dois travailler. Ce vide de rien, je m'apparte. Payer mes impôts, ça je le ferai une main. Arrêtez de fumer, ça je le ferai une main. Finir mon morceau, ça je le ferai une main. Je le ferai jamais si je le fais une main. Payer mes impôts, ça je le ferai une main. Arrêtez de fumer, ça je le ferai une main. Finir mon morceau, ça je le ferai une main. Je le ferai jamais si je le fais une main.